Personne n'a le monopole du devenir de quelqu'un, car seul Dieu décide. Abou Nidal de Genève, c'est le grand moment. Est-ce que vous êtes prêts pour le décollage? Bénédictif, mets-moi de l'eau dans mon verre. Tous ensemble, je n'ai pas entendu, je n'ai pas entendu, je n'ai pas entendu. Levez-le, tout le monde. Appelle à Polo pour appeler à Tony Atona. J'ai dit attends, attends mon frère, arrête la musique. Attends, je vais attendre la chaussure. C'est le moment de faire parler à gauche. Je n'attends pas, c'est le moment de faire parler à droite. Je n'attends pas, c'est le moment de faire parler.